Ciudad vi et dolorosa, a Jérusalem en ce jour. Les soldats cherchent un passage dans les rues, mais la foule se pressait pour voir l'homme condamné à mourir au calvaire. Le sang coulait à flots de son corps meurtri. Son visage était marqué par la douleur. Il portait à chaque pas la croix de ceux qui ont voulu sa mort. Sur la vie, à le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi, pour moi. Sur la vie dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Le sang coulait à flots de son corps meurtri. Son visage était marqué à la douleur. Il portait à chaque pas la croix de ceux qui ont voulu sa mort. Sur la vie, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi, pour moi. Sur la vie dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Il a choisi ce chemin par amour pour toi, pour moi. Sur la vie dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire.